Chapitre 3e. Au fond des bois. Il ne partit pas. Pour mieux jouir de leur bonheur, pour être plus longtemps seuls ensemble, loin des regards curieux et jaloux, ils décidèrent, dès le lendemain, de quitter Paris et de s'enfuir à la campagne. N'est-ce pas là seulement qu'on peut aimer? Ils n'allèrent pas loin, et choisirent dans les bois de Montmorency, un peu vers la forêt de l'île Adam, une petite vallée étroite et profonde qu'on appelle l'entonnoir. Maurice la connaissait pour y être venu un jour dîner avec des amis. Il la proposa, et sa proposition fut acceptée avec enthousiasme. Que leur importait le pays, pourvu qu'ils eussent le silence et la solitude? Que leur importait le bien-être, les distractions, quand ils ne vivaient que pour eux-mêmes et par eux-mêmes? C'est un nid perdu au fond des bois, et qui n'a pas même d'horizon, car de tous les côtés montent assez rapidement des collines qui se réunissent pour former le plateau séparant la Seine de l'Oise. À leur sommet, on ne rencontre qu'une chétive végétation. Le sol est caillouteux, la bruyère est brûlée par le soleil, les bouleaux sont maigres, les buissons de châtaigniers rabougris. Mais à mesure que le terrain s'abaisse, les arbres sont plus forts, leur écorce est plus lisse, leur feuillage plus touffu. La terre ne résonne plus sous le pied, elle devient molle, humide, spongieuse. Les charmes montent haut et droit, leurs trembles agitent dans l'air leurs feuilles bruissantes. On marche dans les lèches et dans les roseaux. Une eau rouillée emplit les trous que font les pas. Entraînée par la pente, mais retenue par les herbes, cette eau s'écoule lentement et par petits filets souvent interrompus. Enfin, deux ou trois ruisseaux se forment et vont presque aussitôt se perdre dans un étang qui occupe tout le fond de cette vallée, d'où ils ressortent réunis en un seul cours pour aller se joindre à la Seine. Rien n'est plus frais, plus ombreux que les bords de cet étang. De gros chênes branchus s'inclinent pour les faire un dôme de verdure. Les clématites et les viormes retombent en cascade. Les renoncules montrent leurs clochettes au milieu des fléchières et les iris dressent en faisceau leurs sabres menaçants. Sur une petite langue de terre, formant promontoire, s'élève une construction assez étrange. C'est un parallélogramme flanqué de quatre tours, bâti en grès et en blocage. Les tours sont démantelées et recouvertes, au milieu à peu près de leur hauteur première, d'un toit en tuiles moussues. Les fenêtres sont étroites, à ogives géminées, et çà et là, on aperçoit encore de longues meurtrières maintenant remplies de plâtre. C'était autrefois un lieu de refuge bâti, vers le XIIe siècle, par les sires de Montmorency. Aujourd'hui, c'est la maison d'un garde. Là où était le préau, des poules gloussent et picorent. Le pont-levis est remplacé par une solide chaussée. Sur l'esplanade, on voit une balançoire entre deux poteaux peints en vert, quelques tables sur quatre pieux non dégrossis, et des bancs dont les barreaux de châtaigniers sont faits avec des bâtons tout simplement fendus et posés à plat. Pendant la semaine, le silence n'est troublé que par le bruit de l'eau qui s'écoule de barrage en barrage. Les bassets aux longues oreilles dorment sur le seuil. La barque reste immobile, la chaîne pendante, au milieu des herbes et de ces petits insectes aux pattes immenses que les paysans appellent des patineurs. Mais le dimanche et le lundi, l'aspect est tout autre. Dès le matin, les bourgeois en partie de campagne arrivent les uns après les autres. Il en vient de Montmorency avec des ânes portant des paniers pleins de provisions. Il en vient de Paris par les stations d'Hermont et de Franconville. Sur l'esplanade, on mange, on boit, on crie, on s'embrasse. Les femmes se font balancer par les maris de leurs amis. Celles qui sont plus sentimentales se promènent dans la barque en laissant leurs mains trempées dans l'eau, comme on voit dans les lithographies en tête des romances. Les hommes, en chemise, les bretelles tombant sur les hanches, jouent au bouchon, dorment sur l'herbe ou, saisis d'un accès bucolique, parlent d'acheter une campagne, mais moins sauvage, avec un petit jardin clos de murs, des persiennes vertes aux fenêtres et des statues de plâtre sur les gazons. Ce fut le soir que Maurice et Marguerite arrivèrent. On leur donna la plus belle chambre, celle qui regarde le midi. Ils y restèrent deux jours sans sortir, et cependant le soleil, glissant par-dessus la cime des arbres, s'allongeait en deux grands rayons sur leur lit, les oiseaux chantaient dans les branches, les arbres faisaient entendre leur puissante voix, et pendant la forte chaleur, l'eau qui clapotait sur les cailloux de la muraille versait dans l'air une fraîcheur engageante. Mais ils étaient tout à leur amour, et cela seul les séduisait qui venait de leur amour. Le matin de la troisième journée, ils descendirent. Marguerite, pour être plus libre et plus à son aise, avait abandonné ses vêtements de femme. Elle avait des bottines montantes, un large pantalon et une petite blouse de toile. Son col de chemise à la Colin était rabattu sur une cravate noire. Un chapeau de feutre mou à grand rebord lui couvrait la tête. Elle était délicieuse ainsi, et le père Michel, qui ne l'avait vue que le soir, ne la reconnut pas. Mais Madame Michel, qui les avait servis dans leur chambre, poussa des cris de joie et d'admiration. « Comment, c'est vous, madame ?»« Regarde donc, Michel, regarde donc !» Ils étaient déjà loin, qu'ils entendaient encore les exclamations de leur hôtesse. Ils se tenaient par la main, et ils allaient en courant. Bientôt ils s'arrêtèrent. Le soleil n'avait point encore frappé sur la vallée, et les feuilles des grands arbres laissaient tomber goutte à goutte la rosée de la nuit. Les chemins étaient glissants. Marguerite prit le bras de Maurice. Ils marchèrent doucement, l'un à l'autre enlacés. De temps en temps, elle s'appuyait la tête sur la poitrine de son amant, et se haussant sur la pointe des pieds, elle lui donnait un baiser. Tout leur était nouveau. Ils respiraient un air plus pur, plus léger, plus enivrant. Ils n'avaient jamais vu les feuilles si vertes, ni les fleurs si brillantes. Les ronces et les digitales exhalaient des parfums inconnus. Sous les chênes, la mousse s'était faite épaisse et moelleuse exprès pour les recevoir. De chaque buisson, de chaque arbre, de chaque plante, sortaient des voix mystérieuses qu'ils n'avaient point encore entendues. « Que je t'aime !» disait Maurice en la pressant dans ses bras. Ils se regardaient, ils s'embrassaient et reprenaient leur route. « Pourquoi ne nous sommes-nous point aimés plus tôt ?» s'écria tout d'un coup Marguerite. « Comment tu peux m'aimer jamais ?» répondit Maurice. « Enfant, je t'ai aimé pour ton amour. Moi, je t'ai aimé pour ta beauté, pour ta grâce, pour ton esprit. Je t'ai aimé sans réfléchir, sans le vouloir, au premier regard. La première fois que je soupçonnais ton amour, ce fut au théâtre italien. Je tournais le dos à la scène et je lorgnais dans la salle. Tu vins au balcon. Il me sembla que quelque chose de magnétique m'attirait. Je me retournais, nos yeux se rencontrèrent. Je fus inondé d'un rayon de chaleur, t'en souviens-tu? Et toi, te rappelles-tu mes joies quand tu me tendais la main? Si tu savais comme je tremblais, comme j'attendais ce terrible moment avec impatience, avec inquiétude. » Ils continuèrent longtemps ainsi, refaisant l'histoire de leurs amours, remontant pas à pas dans leur vie, s'embrassant pour un chagrin, s'embrassant pour un bonheur. Ils dînèrent sous un sureau en fleurs. Leurs jambes s'enlaçaient sous la table. Ils buvaient au même verre et se querellaient en riant à qui jetterait le plus adroitement des morceaux de pain à un chien qui s'étranglait à tirer sur sa chaîne. Souvent, les morceaux lancés par Marguerite n'arrivaient point au but. Les poules s'en emparaient aussitôt et se sauvaient de ça et là en caquetant fièrement. « Nous dînerons ici toujours. » La nuit vint. Ils allèrent s'asseoir sous un chêne. Il ne faisait pas un souffle de vent. Les feuilles des peupliers même demeuraient immobiles. Bientôt la lune parut et sa lumière, tamisée par les déchiquetures du feuillage, cribla l'étang de paillettes argentées. Sur le chemin, les arbres projetaient des ombres immenses. Les vers luisants étincelaient dans les buissons. Tout était silence. On n'entendait que le bruit de l'eau glissant par-dessus la vanne. Quelquefois un gland, se détachant de lui-même, tombait de branche en branche jusque dans l'herbe. Quelquefois aussi, tout au loin, les rainettes chantaient dans leurs ornières. Les deux amants se tenaient étroitement serrés. Ils se laissaient enivrer par les pénétrantes senteurs que dégage le châtaignier. Tout à coup, ils tressaillirent, une note éclatante avait déchiré l'air, le rossignol chantait. « Ah !» s'écria Maurice, « la nature est tout, il n'y a pas d'art, on n'apprend pas, on reçoit. » Ils revinrent en frissonnant. Ils n'étaient plus eux-mêmes. Quelque chose de subtil les avait envahis. Ils voyaient plus loin qu'avec leur raison. L'air leur semblait habité. Ils entendaient tout un monde immatériel, étrange, qui leur parlait d'infini. Le matin, ils étaient éveillés par les merles et les fauvettes. Ils allaient sur le plateau de Bouffemont voir le soleil se lever derrière les collines de Mareuil et de Champlâtreux. Ils eurent bientôt une tradition. Ils étaient des arbres qui rappelaient de chers souvenirs. Là, ils s'étaient embrassés. Plus loin, Maurice, pour donner orgueilleusement à Marguerite une idée de sa force, était tombé au beau milieu des roseaux en voulant franchir un fossé. Un jour qu'ils regardaient leur vieux chêne démantelé, Maurice se mit à lui imaginer une histoire. « Il était une fois, dit-il, un page amoureux de sa dame. La page était pauvre, timide. La dame était belle, puissante, adorée de tous. de hauts et de grands seigneurs s'empressaient autour d'elle, et le page mourait d'amour. La dame, continua Marguerite, eut pitié de son page. Elle devina son désespoir et son amour. Elle fut touchée au cœur, et lui tendant les bras, elle dit « Et moi aussi je t'aime, enfant. » Grand fut leur bonheur, et pour le cacher aux jaloux, abandonnant la ville, ils s'en vinrent au fond des bois. Leurs jours furent de beaux jours, leurs nuits furent de belles nuits, ils s'aimaient. Ils s'aimaient, mais après plusieurs mois, le son du cor retentit un soir dans le lointain. Le page pensa à la guerre, au combat, à la gloire, et disant qu'il reviendrait bientôt, il partit. Mais hélas, il ne revint pas, et jamais plus elle ne le vit. Ce ne fut point le sage qui partit, s'écria Maurice, ce fut la dame. Elle regretta la ville. Sans rien dire, un matin, elle s'enfuit. Le page l'attendit longtemps, bien longtemps, puis, désespéré, il mourut. Ça tombait là-bas, sous ce gros chêne. Ce ne furent ni le page ni la dame qui partirent, reprit Marguerite. Ils restèrent tous deux à s'aimer. Ils moururent tous deux le même jour. Leur tombe à tous deux est là-bas, sous ce gros chêne. Quand ils eurent bien parcouru les alentours, Saint-Radegonde, la Fontaine-Omer, ils firent des courses un peu plus lointaines. Marguerite était infatigable. Il partait de bonne heure. Maurice emportait le déjeuner dans une gypsière au père Michel, et presque toujours il s'en revenait, le soir, par les hauteurs d'Andilly. Il s'asseyait, c'était une halte obligée, et sans être jamais fatigués, ils admiraient encore ce qu'ils avaient admiré la veille. La campagne s'étalait jaunissante à leurs pieds, le lac d'Anguin faisait une petite tache blanche au milieu, et tout au loin, par-dessus Saint-Denis, on apercevait Montmartre, Paris sous son éternel nuage de brouillard et de fumée, et les deux clochers de Belleville, qui comme les deux mâts d'un brick à la voile, semblaient glisser à l'horizon. Ils restèrent là longtemps couchés, à voir le soleil disparaître, et regardaient avec plaisir un spectacle toujours le même, et cependant toujours nouveau, toujours splendide. Maurice parlait de Rousseau, qui avait dû venir bien des fois s'asseoir en cet endroit même avec sa chère comtesse, et marchant dans les sentiers incertains, écartant les branches qui leur fouettaient le visage, il racontait quelque histoire d'amoureux illustres. Les ornières devenaient moins distinctes, et c'était avec la nuit qu'ils descendaient dans leur tranquille vallée. Marguerite aimait ces promenades pour les enthousiasmes de son amant, car, pour le cœur de Maurice, tout était motif d'amour. Un souvenir, un arbre, une fleur, un oiseau, lui donnaient le ton, et aussitôt il exécutait à grand orchestre la symphonie du bonheur. Il y avait en lui des trésors de passion. Toujours inspiré, il recommençait toujours un éternel chant lyrique. Et Marguerite se laissait docilement conduire au travers de ce monde inconnu. Mais cette nature qui les environnait, et que naguère elle avait trouvée si pleine de charme et d'inspiration, commençait à lui paraître bien pauvre et tout à fait indigne de l'amour grandiose qu'elle croyait sentir en son cœur. Les fleurs, naguère si brillantes, étaient ternes et décolorées. Les arbres étaient chétifs, les vallons brûlants, les ombres maigres, les ronces n'avaient plus que des épines. Ce qui, tant de fois, l'avait transportée, ne savait plus l'émouvoir et la laissait désenchantée. Et cependant, en elle, rien n'était changé. Sa passion, toujours croissante, était devenue plus complète, plus absolue, plus impérieuse. C'était sa grandeur même qui la faisait étouffer dans un cadre trop étroit. Ces lieux, ces arbres, ces collines, ces paysages toujours les mêmes, avaient pu lui plaire par leur nouveauté. Mais n'était-il pas réellement bien mesquin et bien monotone? L'amour, le véritable amour, est-il possible à 3 lieues de Paris, dans des plaines peuplées comme un village, dans des bois sillonnés de chemins où les bruits et la fumée de la grande ville arrivent avec le vent, à des désirs infinis, ne faut-il pas l'infini pour horizon? Et puis, ce nom même de Montmorency n'était-il pas bien vulgaire et bien bourgeois? Ce nom ne traîne-t-il pas partout? Les amants de Montmorency, les cerises de Montmorency, les ânes de Montmorency. N'est-ce pas à Montmorency que tous les vaudevillistes ont fait promener leurs héros? Les commis, les grisettes, n'arrivent-elles pas de Paris les dimanches pour cavalcader dans cette plate forêt et dîner sur l'herbe? Est-il au monde rien de plus romance, de plus troubadour? Et cependant, c'est là que Maurice l'a amenée, elle qui aime l'imprévu. La connaissait-il donc si peu? Elle ne tarda pas à trouver les promenades fatigantes. Les sentiers furent rocailleux, les montées furent trop rudes, les descentes trop rapides, les plateaux trop réguliers. Le soleil fut toujours de feu, la brise ne souffla plus, le vent fut une bourrasque, le jour eut des clartés aveuglantes, la nuit n'eut pas assez d'étoiles. Sous chaque brin de mousse, il y eut une fourmi. Dans chaque cépée, il y eut une vipère. Pour la première fois, elle sentit que la rosée lui mouillait les pieds. Maurice fut longtemps sans remarquer ces symptômes. Puis, quand il les eut remarqués, il fut plus longtemps encore sans les comprendre. Son premier mouvement fut de voir si par quelques-unes de ses actions, par quelques-unes de ses paroles, il n'avait pas involontairement blessé sa maîtresse. À toutes ses demandes, sa conscience resta muette. Malgré sa bonne volonté, il ne put rien se reprocher. Plein d'inquiétude et de crainte, il interrogea Marguerite. Il lui montra combien les derniers jours qui venaient de s'écouler étaient autres que les premiers temps de leur bonheur. Il la supplia de ne rien lui cacher, de dire franchement ce qui se passait en elle, et s'il l'avait offensée, d'avoir assez de générosité pour expliquer sincèrement ses griefs et ses douleurs. Mais Marguerite, trop femme et trop habile pour avouer que l'ennui qu'elle sentait en elle venait d'elle-même, ignorant encore d'ailleurs les causes de son désenchantement, et n'ayant aucun reproche précis à formuler, soit contre son amant, soit contre ce pays toujours le même, et où elle avait tant de fois promis de rester toujours, Marguerite ne fit à toutes ses demandes que des réponses vagues. Elle s'excusa sur la mobilité de ses nerfs, sur la faiblesse de sa santé. Elle était heureuse, jamais elle n'avait été plus heureuse. De quoi pouvait-elle se plaindre? N'était-il pas le plus tendre, le plus dévoué des amants? Mais si le cœur est puissant, le corps, ce pauvre corps, est bien faible pour résister au bonheur. Il accepta ces paroles en homme qui demande une explication bien plutôt pour être rassuré que pour être éclairé. Et plus que jamais, il l'entoura de soins et d'amour. Elle avait parlé de fatigue. Il la força de renoncer aux longues courses dans la forêt. Et ne voulut plus faire que de courtes promenades aux environs. Lui-même choisit les heures et le temps, évitant l'humidité ou la trop grande chaleur. Il marchait près d'elle, la soutenait de son bras, et lorsque les ornières étaient trop profondes, ou la montée trop rapide, il la soulevait comme une enfant délicate. Les repos étaient fréquents. Il fallait que la terre fût bien sèche, que l'herbe fût épaisse, que sous les feuilles, l'ombrage fût frais et aéré. Il prenait la tête de Marguerite sur ses genoux. Par de douces paroles, il tâchait de la bercer ou de la distraire. Si, lorsqu'elle s'était endormie, un rayon de soleil perçant à travers les branches venait la menacer, il se levait, roulait un de ses vêtements, le lui passait comme un coussin sous la tête, et se plaçant immobile devant elle, il lui faisait ombre de son corps. Il restait à la regarder dormir. À la voir belle et tranquille, il lui venait de vagues inquiétudes. Les explications de Marguerite avaient ébranlé sa croyance au bonheur éternel. Il n'avait interrogé que pour obtenir un démenti à l'évidence, et elle avait répondu par des plaintes. Elle souffrait, son corps était malade. Alors pourquoi ces tourments et cet ennui pendant la veille? Pourquoi ce calme si parfait, cette sérénité si complète pendant le sommeil? Il cherchait à comprendre et par de cruels doutes, son esprit tourmentait son cœur. Mais Marguerite, en s'éveillant, l'arrachait bientôt à ses douloureuses réflexions. Il s'efforçait de sourire, il se mettait à genoux près d'elle, il la prenait dans ses bras, et jaloux de son premier regard, il plongeait ses yeux dans ses yeux. Puis, autant pour échapper à ses propres pensées que pour distraire celles de sa maîtresse, il essayait de lui dire combien elle était belle au milieu de cette nature paisible et douce. Se laissant entraîner par son inspiration, il oubliait ses peines. Il célébrait l'amour et parlait d'un éternel bonheur dans une campagne toujours verte, sous un soleil toujours radieux. C'était le sourire aux lèvres que Marguerite écoutait ses chants. Et son esprit les trouvait d'une poésie un peu trop éthérée. Elle ne se révoltait pas, et dissimulait ce que son sourire pouvait avoir d'incrédule. Tout cela ne parvenait ni à la distraire, ni à la réconcilier avec la forêt. Plus Maurice redoublait de soins et d'amour, plus elle se sentait envahir par l'ennui. Souvent même, c'était avec une impatience mal déguisée qu'elle recevait ses caresses. Elle se désespérait de voir ses plaintes si faussement interprétées, ses désirs si peu compris. Elle se demandait si ses jours monotones allaient ainsi se suivre et se ressembler, si Maurice était aveugle ou bien s'il était sot. Ni sot ni aveugle, ignorant et maladroit, au lieu d'interroger le cœur de sa maîtresse, il s'obstinait à s'interroger lui-même, à chercher en lui ce qui se passait en elle. Cependant, comme malgré ses efforts il ne trouvait rien, il fallait bien qu'il en vînt à la fin à voir ce qui depuis si longtemps lui crevait les yeux. Marguerite s'ennuyait. C'était beaucoup que d'en être arrivé à cette conclusion. Ce n'était pas tout. Il lui restait à faire une découverte non moins importante et tout aussi difficile, c'était de connaître les causes de cet ennui, car elle l'aimait. Chaque jour il en avait la preuve. Et ce qui pour lui valait mieux que des preuves, chaque jour il en avait sa parole. Alors, de souvenir en souvenir, de circonstance en circonstance, il lui devint évident qu'il ne devait accuser que lui-même, ou ce pays, peut-être bien triste et bien prosaïque. Pour lui-même, il fit le serment de redoubler d'amour. Pour le pays, il résolut de le quitter le lendemain. Et quoiqu'il lui en coûtât d'abandonner cette forêt où il avait été si heureux, il n'hésita pas un instant. Elle s'y ennuyait. Fier de cette merveilleuse découverte, il courut la dire à Marguerite. Mais ce n'était point ainsi que celle-ci l'entendait. Sans doute, elle était heureuse de partir enfin, mais c'était à condition qu'elle paraîtrait suivre et non commander. Elle était heureuse de se voir comprise enfin, mais c'était à condition qu'elle ne serait pas forcée de convenir qu'il avait rencontré juste et qu'elle s'ennuyait. Elle ne voulait pas, dans sa longue prévoyance, avouer que cette idée de départ venait d'elle, car c'était avouer en même temps qu'elle seule avait changé, que son esprit dévorait son cœur, qu'il lui fallait des assouvissances sans cesse nouvelles, que ses serments n'étaient que des paroles, que ses toujours n'étaient même pas des longtemps. Elle voyait l'avenir, et elle voulait se ménager. À elle-même l'excuse, à Maurice la faute. Cependant, comme elle ne voulait pas le désespérer, elle avoua, tout en repoussant très vivement l'accusation d'ennui, que peut-être il avait raison quant à ce pays, et que maintenant qu'il venait de le lui faire comprendre, elle le trouvait bien peu digne de leurs amours. Puisqu'ils aimaient les bois, ils devaient être dans le Morvan, ou même à Fontainebleau, de plus vaste, de plus sombre et de plus désert. Ce fut avec empressement que Maurice accueillit cette idée, qui paraissait due au hasard. Il fut aussitôt convenu qu'on abandonnerait Montmorency pour Fontainebleau. Grande fut la joie de Marguerite, mais plus grande encore fut celle de Maurice. Lui, qui tout à l'heure trouvait ce pays si beau, lui qui voulait y passer tous ses jours, ne pensa plus qu'à le quitter et mit son bonheur dans l'inconnu. Il fit une querelle à Marguerite de ne pas s'être plainte. Il l'aurait volontiers accusée de mauvais goût. Écho de la voix, qui le faisait raisonner, il s'enthousiasma pour ce que naguère il méprisait, et méprisa ce qu'il avait tant aimé. Les arbres ne furent plus que des broussailles, l'étang ne fut même plus qu'une mare. Il renia son passé, se moqua de lui-même et déshonora ses souvenirs. Le tout de la meilleure foi du monde, à la grande joie de Marguerite qui applaudissait ou en chérissait encore. Mais cette exaltation tomba. Dès le lendemain, jour fixé pour le départ, il expia son sacrilège. Étant sorti le matin, pendant que Marguerite dormait encore, il prit, plutôt par habitude que par volonté, un chemin qui s'offrit à lui. Le milieu, défoncé par le pied des chevaux, était raboteux ou glissant, et de chaque côté on ne voyait que des ronces, des épines salies par de larges plaques de boue et de grandes herbes mortes. Après quelques pas, ce chemin rencontre l'étang, fait un brusque détour et se perd sous le bois en gravissant la colline. Cela forme une sorte de petite clairière où trois ou quatre chênes plongés dans un sol trop humide végètent assez pauvrement. Le gazon est mou et clairsemé, les cépées sont couvertes de lichens, dans l'eau qui croupit, l'ombrage ne laisse pousser que quelques touffes de joncs et de renoncules aquatiques. Cela est parfaitement prosaïque et vulgaire, cela se rencontre partout. Cela ne parle ni aux yeux ni à l'imagination et justifie de point en point tout ce que Maurice avait pu, la veille, en dire de désagréable et d'insultant. Cependant, à la vue de ce petit coin si banal, il se sentit pénétré d'une émotion profonde, car si, pour tout le monde, c'était chétif et muet, c'était pour lui plein d'éloquente beauté. C'était par là que, le premier jour de leur arrivée, ils avaient commencé leur promenade. C'était là que depuis ils étaient venus tant de fois s'asseoir et se dire leur amour. Chaque arbre, chaque branche, chaque brin d'herbe étaient les témoins du bonheur passé. Tous avaient une histoire, tous avaient un heureux souvenir. Ce fut alors qu'il paya son crime de la veille et regretta ses paroles. Devant lui se dressaient ses joies flétries et son amour déshonoré, et il commença de sentir la cruelle blessure que lui-même s'était faite. mais il était trop tard. Que n'eût-il donné pour effacer, ou tout au moins pour oublier des paroles qui maintenant lui paraissaient des mensonges? Car ce petit paysage, qu'il avait injurié, se transfigurait en ce moment sous les rayons du soleil levant. Il n'y avait plus là rien de commun, tout était splendeur et vie. La lumière, glissant sous les feuilles, transformait chaque goutte de rosée en une perle étincelante. Les branches jaunes ou rouges des osiers miroitaient comme de l'or, et par derrière l'étang, les saules bleuâtres, encore noyés dans une légère vapeur, reculaient indéfiniment l'horizon. Les oiseaux commençaient leur chanson dans les arbres. Au bord de l'eau tranquille et noire, les renoncules et les trèfles ouvraient leurs fleurs nouvelles. C'en était trop que cette poésie du matin s'unissant à la poésie du passé. Il jeta un regard d'adieu à la vallée, cueillit deux ou trois de ces petites clochettes de renoncules roses et blanches qui nagent sur l'eau, reprit le chemin de la montée et la gravit à grands pas. Regrettant une faute qu'il ne pouvait racheter, il voulait au moins faire à tous les anciens pèlerinages de leur amour une station expiatoire et emporter un dernier souvenir qui, en résumant ses impressions de bonheur, les rendit à jamais solides et lumineuses. Le soleil frappait déjà presque d'aplomb sur les arbres lorsqu'il rentra, tenant à la main un bouquet qui, par sa taille, montrait que ses pèlerinages étaient en nombre respectable, et cependant, il n'avait pris à chacun que ce qui le caractérisait. À l'un, une petite branche de fraisier, à un autre, une feuille de fougère, à un autre, une tige de digital. Cela formait un mélange sombre et vulgaire, image assez fidèle de ce pays, mais qui, comme ce pays lui-même, en disait au cœur de Maurice plus que toutes les splendeurs des tropiques. Marguerite dormait encore. Il alla doucement s'asseoir sur son lit, et lorsqu'elle ouvrit les yeux, la prenant dans ses bras, « Pardonne-moi, dit-il, de t'avoir abandonné ce matin. J'ai voulu, avant de partir, revoir les lieux où nous avons été si heureux, et t'y cueillir ce bouquet. Garde-le, ma bien-aimée, ce sont les fleurs de nos amours. » Puis, pour ne point céder à l'émotion qui rendait sa voix tremblante, il se leva, fit quelques tours dans la chambre, se mit à la fenêtre, et regarda machinalement sur l'eau les libellules qui décrivaient, en bourdonnant, des cercles rapides. Ils devaient partir le soir. La journée fut pénible à passer. Tous deux, ils étaient embarrassés. Elle ne voulait pas laisser voir sa joie. Il cachait son chagrin. Leur contrainte redoubla dans une courte promenade qu'ils firent en passant sous le gros chêne, où, suivant l'histoire qu'ils avaient composée, se trouvait la tombe de leurs amants modèles. « Cependant, dit Maurice, répondant à leur commune pensée, ils devaient rester tous deux à s'aimer, ils devaient mourir tous deux le même jour, et leur tombe à tous deux devait être sous ce gros chêne. Pourvu que l'on aime, interrompit Marguerite, qu'importe le pays, ce n'est pas ce qui nous environne qui fait notre joie, c'est notre propre cœur. Un amant moins amant que Maurice eut tristement réfléchi en entendant ces paroles, qui donnaient un démenti à toutes les plaintes qu'on lui faisait depuis longtemps. Il n'y vit qu'une promesse pour l'avenir et la remercia par un baiser. Tandis que le père Michel attelait la carriole qui devait porter Marguerite à la station la plus prochaine, Maurice ne partant qu'une heure plus tard de peur de quelque rencontre indiscrète, ils prirent les devants par un petit sentier qui, au travers des bois, allait joindre la grande route. Le soleil avait disparu depuis quelques instants derrière les coteaux d'Andilly, l'ombre devenait épaisse sous les taillis, et dans la forêt commençait le silence de la nuit troublé seulement à de longs intervalles par la chanson d'un ouvrier qui, sa journée finie, regagnait son village. Les deux amants marchaient lentement, recueillis en eux-mêmes, ressentant alors, plus qu'ils ne l'avaient jamais ressenti, l'ineffable mélancolie du soir. Plus d'une fois ils essayèrent d'échanger quelques paroles, ce fut en vain. Maurice retenait ses larmes, Marguerite était plus émue qu'elle ne l'eût voulu. Ce fut ainsi qu'ils gagnèrent la route. Il fallut se séparer. Alors, cédant à l'émotion qui les étreignait, ils se jetèrent dans les bras l'un de l'autre et s'embrassèrent à plusieurs reprises. Hélas, ce n'était point le même sentiment qui les inspirait. Dans les baisers de Marguerite, il y avait plus d'espérance que de regret. Dans ceux de Maurice, plus de regret que d'espérance. La voiture partit, Maurice revint sur ses pas. En entrant dans leur ancienne chambre, la première chose qui attira ses regards fut, sur le lit, le bouquet flétri et à moitié écrasé que le matin même il avait donné à Marguerite avec de si tendres et de si pressantes recommandations. Elle l'avait oublié. Jusqu'à ce moment, tout en souffrant de leur départ, il n'avait pas élevé contre Marguerite la plus légère accusation. Alors il prit ce bouquet, le dénoua lentement, déchira une à une toutes les fleurs, et par la fenêtre ouverte, jeta dans l'étang ses chers et précieux souvenirs des beaux jours de son bonheur. 2 heures après, il était à Paris. Le lendemain soir, ils arrivaient à Fontainebleau. Marguerite était rayonnante.